is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should survive. Ouh là là, Oasis, c'est plein, plein, plein de souvenirs. Et surtout, celui de l'été 96, descente dans les Alpes de Haute-Provence avec la vieille Opel Corsa, mais pas d'autoradio dans la voiture, donc obligé de prendre le radiocassette de la maison dans la voiture. Waouh, que de souvenirs! I'm free to be whatever I... Pour moi, Oasis, ben, c'est celle-là qui m'a fait tomber amoureuse du groupe et qui m'a permis, je devais avoir 12 ou 13 ans quand je l'ai entendue la première fois et les paroles, elles ont fait écho pour moi. Je me suis dit, ça y est, voilà, en fait, je suis libre de faire comme je veux. Je suis plus un bébé, je suis une ado, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et voilà, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Merci, Blockbuster. Coucou l'équipe de Blockbuster, super cool l'émission sur Oasis, à quand celle sur Blur ou Gorillaz? Ça fait un an que j'ai pas vraiment de vacances et que je bosse de fou, et franchement votre émission c'est mon moment de respiration de l'été, et rien que pour ça, merci. Profitez bien de vos vacances, pour ceux qui en ont, et force aux autres, car sur vous, bisous! Be or not to be, not to be. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Vous vous souvenez de cette phrase d'une participante de l'émission C'est mon choix, qui avait ensuite fait l'objet de plein de détournements sur le net? Eh bien, figurez-vous que je repense souvent à cette phrase. Alors là, vous allez me dire, Frédéric, c'est bien, on a les philosophes qu'on mérite. Mais moi, il m'arrive souvent de repenser à cette phrase et d'y trouver une forme de sagesse proverbiale. Pourquoi, en effet, je choisis aussi souvent de me faire du mal? Par exemple, j'ai horreur des émissions politiques où des gens, élus par personne, donnent très sérieusement leur avis sur un gouvernement duquel ils ne font pas partie. À l'issue de l'émission, j'ai toujours envie de leur dire « Non mais c'était hyper intéressant, hein, vous avez une manière de structurer votre pensée, on sent bien que vous n'avez pas chômé à Hippocagne, mais je sais pas si on vous a dit, mais vous n'êtes pas ministre en fait. » Et pourtant, la semaine d'après, je réécoute l'émission et je m'énerve de nouveau. Le sport, personne ne me force, hein. Même ma balance, quand elle m'affiche mon poids, elle n'est pas dans le jugement. Elle a même pas un ton culpabilisant, genre « Eh ben, 95 kilos, bravo Frédéric !» Non, rien, c'est informatif et c'est tout. Et pourtant, tous les jours, je vais me mettre dans un état de fatigue inhumaine à faire des pompes, des squats, des burpees, à transpirer sur le sol de mon salon tel un surgelé picard en cours de décongélation. Des fois, j'ai même plus le souffle pour dire à mes enfants de prendre leur goûter. Le lendemain, j'ai 122 ans et une prothèse de hanche. J'ai mal partout, je tiens une carafe d'eau, je congestionne. Me tourner dans le lit, ça devient un défi Facebook. Je me tartine de pommade anti-inflammatoire. Et pourtant, en fin de journée, rebelote, je ressors mon tapis et mes haltères et je remets ça. C'est peut-être l'idée hyper populaire dans nos économies libérales de dépasser ses objectifs, d'aller au-delà de ses limites ou toutes ces conneries qu'on peut entendre dans la bouche d'un coach en développement personnel. Tout ce que je sais, c'est que si je n'aimais pas souffrir, eh ben je jouerais jamais aux jeux vidéo de la compagnie From Software. En fait, je n'aurais jamais joué à Dark Souls. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Dear, oh dear, what was it? The hunt, the blood, or the horrible dream? En 2009, 2010 en Europe, sort un jeu sur PlayStation 3 intitulé Demon's Souls. Un jeu d'action matiné de jeux de rôle qui prend place dans un univers de Dark Fantasy que l'espoir semble avoir totalement abandonné. Immédiatement, le jeu marque les esprits par son ambiance crépusculaire, sa musique et son désespoir suintant. Imaginez un univers à mi-chemin entre le mur qui vous sépare des marcheurs blancs dans Game of Thrones et les montagnes escarpées du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Cette rudesse du paysage est au diapason de la difficulté du jeu, immensément dure. En effet, dans Demon's Souls, le joueur ne peut apprendre que par ses échecs et des morts virtuelles innombrables face à des boss gigantesques, mais des fois même de la main d'un simple squelette fantassin que vous n'aviez pas vu venir au détour d'un couloir. Demon's Souls a jeté les bases d'un univers qui ne vous veut pas du bien. Et étonnamment, depuis 12 ans, les joueurs en redemandent. Et c'est même devenu un genre à part entière avec des jeux élevés au statut de rang culte, Dark Souls, Bloodborne ou encore Sekiro pour ne citer que. Pour tenter de comprendre le succès de ces jeux aussi punitifs, j'ai avec moi Superbulle, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de contenu jeux vidéo sur Twitch et vous avez un attrait particulier pour le challenge et la compétition. Concernant vos actualités, on peut vous retrouver quotidiennement en live sur Twitch dès 16h. Et en ce moment, vous êtes sur la découverte totale du jeu Dark Souls numéro 1. Tout à fait. Avec nous également, Kali. Bonjour. Bonsoir. Votre chaîne Twitch aura 3 ans en juin, ainsi que votre challenge Ring Soul en cours sur Dark Souls 3, où vous jouez non pas avec une manette, parce que c'était trop simple, vraisemblablement, mais avec le Ring Fit. Exactement. Avec nous, de retour, Arnaud Tomassini, bonjour. Hello. Journaliste culturel et rédacteur en chef de comicsblog.fr, le premier site spécialisé en comics en France. Vous êtes aussi le créateur du podcast The Pulse. Et par ailleurs, la bande dessinée Big Girls sort le 1er avril chez le nouvel éditeur 404 Comics. Et c'est votre premier travail de traduction. Tout à fait, merci Fred. Avec nous, un revenant aussi, mais quand même bien vivant, hein, rassurez-vous, Olivier Bénis, bonjour. Bonjour, à vérifier pour la bienvenue. À vérifier, on va voir. Vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter et votre chronique La Faute aux jeux vidéo est diffusée tous les mardis à 5h53. C'est exactement ça. Et enfin avec nous, Dites, bonjour. Bonjour. Dites, vous êtes streameuse, vous aussi, sur la chaîne twitch.tv/mdites. Tout à fait. Ensemble, on va retracer l'histoire des jeux From Software, leur mécanique, leur spécificité, mais aussi la difficulté qui va avec. On parlera bien évidemment d'Hidetaka Miyazaki, le génie derrière ces épreuves vidéoludiques. On parlera du speedrun, ces défis retransmis sur Internet où l'on tente de boucler un jeu dans un minimum de temps. Bref, on va vous expliquer pourquoi, de temps en temps, jouer, ça n'est pas une partie de plaisir. In the age of ancients, à l'époque des dieux anciens, the world was unformed, le monde était encore informe, shrouded by fog, recouvert d'un manteau de brume, a land une terre recouverte de roches grisâtres, arch trees, d'arbres noueux and everlasting dragons, et de dragons éternels. But then there was fire, mais c'est alors que vint le feu, and with fire, et avec le feu came disparity, la disparité. Heat, le chaud and cold, et le froid, life, la vie and death, et la mort, and of course, et bien sûr light, la lumière and dark, et les ténèbres. C'était un extrait de Dark Souls, et alors là tout de suite les auditeurs se disent « Ah, mais c'est quand même assez éloigné d'Animal Crossing !» Olivier Bénis, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu quel studio est le studio From Software ? Alors From Software, c'est un studio qui a été créé en 1986, si je ne dis pas de bêtises, et qui au départ ne faisait pas du tout de jeux vidéo. Il faisait des logiciels de productivité, des logiciels de compta, des choses comme ça. Alors on espère que ces logiciels-là ne permettaient pas de faire de la compatibilité à la Dark Souls, hein, que ce n'était pas si difficile. Mais voilà, et puis ils se sont mis aux jeux vidéo avec l'arrivée de la première PlayStation, avec d'abord Kingsfield, il me semble, qui était leur tout premier jeu de rôle. La première personne, ce qu'on appelle un dungeon crawler, en fait, où on se baladait dans un donjon en vue, enfin comme si on y était vraiment. Ils ont beaucoup accompagné justement la première, puis la deuxième PlayStation, notamment avec une de leurs grosses séries qui s'appelle Armored Core, qui est une série de combats de robots, en gros, où vous pilotez des robots géants qui s'affrontent. Méca. C'est ça. Et voilà, donc des mechas, et donc ça c'est, ils ont 10 ou 15 épisodes je crois de cette série, donc c'est vraiment pendant longtemps ça a été leur gagne-pain, hein, cette série de robots. Et puis finalement ils ont un petit peu changé en arrivant, en se lançant dans un jeu de rôle un petit peu particulier qui s'appelait Demon's Soul, qui était le projet d'un garçon qui s'appelait Hidetaka Miyazaki, dont on va sans doute beaucoup parler dans cette émission, mais voilà, c'était un petit peu son projet perso, ça pas très bien marché au début, et puis finalement le bouche à oreille a fait son œuvre. C'est un jeu dont les gens se sont parlé en disant waouh, t'as vu Demon's Souls, c'est, on connaît pas, on n'a pas vu de pub dessus, mais c'est super, et puis il paraît que c'est très très dur et tout, et du coup les gens se refilaient un petit peu le jeu, se le conseillaient, et ça a fini par devenir un succès sur le long terme, ce qui fait que quand sa suite est arrivée, Dark Souls et les suivantes, il y avait un terreau qui était là, il y avait des gens qui attendaient avec impatience ce type de jeu qui changeait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mécaniques de jeu de Demon's Souls qui étaient déjà présentes dans Kingsfield initialement, c'est-à-dire des donjons comme ça, une difficulté déjà assez accrue. Et en fait, il est en travaillant sur cette ébauche, il a réussi à l'améliorer. Et là, je me tourne vers Arnaud. La découverte de Demon's Souls avec la PlayStation 3, qu'est-ce que ça représente dans la vie d'un joueur ? Tout. Presque. C'est enfin. Dans l'ère moderne, surtout de ces consoles-là, donc la PlayStation 3, des consoles HD, notamment dans le contexte un petit peu des jeux qui sortaient à cette époque-là, où on était quand même dans la multiplication des jeux AAA qui ont une forme de gameplay assisté, on te dit comment faire facilement. Moi, je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, je faisais Uncharted 2 en même temps. ou un God of War 3 qui est quand même qui te prend un petit peu le joueur en main. Et puis là, avec le premier Demon's Souls, on te laissait juste dans l'univers avec ta petite épée, ton petit bouclier, puis on te disait vraiment démerde-toi. En fait, c'est un jeu qui ne veut pas prendre le joueur par la main et qui va lui en fait lui montrer à la dure en fait comment il faut jouer. Et c'est quelque chose que tu vas en fait juste devoir découvrir par toi-même, ou contrairement justement au jeu où t'incarnes un personnage généralement on va dire surpuissant ou qui s'améliore facilement, bah là c'est vrai que le premier mob peut te tuer. Alors le mob, je rappelle aux auditeurs, c'est un personnage, un adversaire, ça peut être un soldat avec une épée, parce que voilà, c'est un jeu dans lequel le moindre fantassin de base, ouais, peut vous mettre à mal et vous faire perdre la vie, ce qui va vous renvoyer donc 3 km plus loin au départ. Ouais, c'est ça. Et t'apprends que voilà, même le plus petit ennemi peut t'avoir si tu te précipites en fait, et ça t'apprend en fait à jouer de façon patiente, à analyser ton environnement pour à la fois voir où sont placés les ennemis, mais aussi de savoir s'il n'y a pas un piège qui peut te tendre. Enfin, c'est bête, mais même aussi les questions d'éclairage sont super importantes, parce qu'un trou peut se cacher et tu peux faire une roulade et tomber ça. Et surtout, à mon sens, qui a aussi contribué à la réussite des Souls, c'est leurs boss qui sont gigantesques, qui sont extrêmement difficiles. Et il y a aussi cette particularité du jeu qui peut paraître injuste au départ, de savoir que grosso modo tu récupères des points d'expérience. Quand tu meurs, en fait, tous tes points d'expérience sont à l'endroit où tu es mort, et tu dois retraverser tout le niveau, sachant que tous les ennemis sont réapparus. Donc si t'es mort contre un ennemi qui était déjà difficile pour toi, va falloir que tu te retapes tous les autres avant et encore celui-là, afin d'espérer pouvoir récupérer ton expérience. Et si tu meurs quand tu refais ce chemin, bah là c'est fini, c'est perdu. Et ça, je pense que ça a dû faire jeter quelques manettes dans les salons. En préparant cette émission, j'en parlais avec ma compagne et qui travaille dans un musée d'art asiatique, et on lui a expliqué un jour qu'il y avait un proverbe. On demandait à un artiste combien de temps il fallait pour peindre parfaitement un bambou, et l'artiste a répondu 20 secondes et 20 ans. C'est-à-dire qu'après 20 ans d'expérience, je peux le dessiner, le peindre en 20 secondes. Et elle me disait que ça s'appliquait parfaitement à la logique des Dark Souls, des Demon's Souls. Et là, je me tourne vers Kali. Oui. Quel est le plaisir qu'on peut ressentir en tant que joueuse à avoir une difficulté aussi importante ? Le plaisir de l'accomplissement une fois réussi, en fait, quand on arrive à surpasser nos difficultés au moment du boss vaincu, d'avoir cet accomplissement de victoire, le côté j'ai réussi à me bouger, à arriver surpasser et à atteindre mes objectifs, finalement, de vaincre cet immense bloc, le mur qui se dresse devant nous, finalement. Et c'est une jouissance, finalement, en fait, de réussir ça, en fait. Et c'est une jouissance qui est de courte durée, parce que généralement, quand on vient d'achever ce boss, soudain, on se rend compte qu'il y en a encore un plus fort et beaucoup plus grand qui vient juste après. On est dans quelque chose d'un peu sisyphéen, en fait. On pousse au rejet, il retombe, on le remonte, on remonte et on redescend. Mais on avance toujours. Il y a aussi cette idée aussi de rythme un peu lancinant qui revient. C'est ça. Pour décrire à des gens qui n'auraient jamais tenu un pad de leur vie, un joypad dans leur main, ou même joué au clavier sur un PC, je trouve que ce qu'on ressent face au jeu From Software, c'est ce qu'on peut ressentir en regardant un film comme Un jour sans fin, où on voit que Bill Murray, en fait, dans la répétition de cette journée qui se répète inlassablement, finit par reconnaître absolument tous les secrets, à quel moment telle voiture arrive, et il devient une sorte d'expert total de cette journée. Et je trouve que dans les jeux From Software, il y a cette idée aussi d'arriver à une sorte de perception totale du jeu auquel on joue. Dites. Oui, c'est assez amusant parce qu'en fait, c'est pas des jeux qu'on est censé connaître par cœur, parce que tout le but du jeu, c'est de la découverte et l'apprentissage constant dans le jeu. Mais en fait, comme on doit toujours... c'est cyclique et qu'on doit toujours recommencer ce qu'on est en train de faire, on commence à le connaître par cœur. En fait, on peut faire des cartes mentales du jeu, on peut se balader dans le jeu dans notre tête, parce que à force de refaire tout le temps le même chemin, on sait, là je peux tourner à gauche, il y a telle zone, à droite il y a telle chose, tout droit il y a un boss, je sais qu'il y a tel ennemi à cet endroit là je sais que je peux le skip ou je peux le tuer si j'ai envie. Enfin, c'est, il y a vraiment une expertise du jeu à force de répétition. Et Olivier, on a parlé d'Hidetaka Miyazaki, qui est évidemment la personne incontournable dans l'élaboration de ces jeux. Mais quel genre d'individu c'est dans ce panthéon des grands créateurs de jeux vidéo japonais? Déjà, chose assez rare avec les jeux de type Dark Souls, c'est que c'est une ambiance occidentale, mais faite par un studio japonais. Oui, parce que c'est un personnage vraiment un peu atypique. Je sais qu'on peut dire ça pour plein de créateurs de jeux vidéo, mais lui, c'est vraiment vrai dans le sens où même le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'il a découvert très très tard. Parce que lui, c'était la littérature, son truc. C'était la littérature, il était vraiment là-dedans. Et je crois que ses parents, d'ailleurs, ne voulaient pas qu'il joue à des jeux vidéo. Il a découvert ça, en fait, en arrivant à l'université, via ses amis qui lui ont échangé des choses. Et il a découvert, et c'est quelque chose d'important, je pense. Alors déjà, il a découvert la littérature beaucoup avec Lovecraft, avec des auteurs comme ça. C'était un grand passionné, justement, de littérature. Et les jeux dont vous êtes le héros également. Également, voilà. Et donc, des choses très dans la fantasy, voire dans la dark fantasy. On détaillera peut-être plus tard ce que c'est, mais en gros, un univers fantastique qui est plus sombre que l'origine, quoi. C'est qu'en gros, c'est le Seigneur des Anneaux, mais où Sauron aurait gagné depuis 100 ans, aurait établi un règne, et où il n'y aurait plus aucun espoir de d'aller contre. Oui, c'est des univers dont on a déjà parlé dans des précédents blockbusters. C'est des univers qu'on peut retrouver dans Le Sorceleur, The Witcher, avec Robert et Howard, avec Conan le Barbare. C'est des univers un peu crépusculaires où, effectivement, les forces ou des entités ancestrales aurait gagné, remporté la victoire. Et en fait, on incarne des gens qui sont un peu des outsiders dans ces univers. C'est ça, c'est des univers en fait où sauver le monde n'est plus un objectif, parce que ce n'est plus possible, mais on va sauver ce qu'on peut. Et les Souls, justement, sont beaucoup ça. C'est beaucoup des univers où on sait bien qu'on débarque bien après le cataclysme, bien après la catastrophe, bien après le pire. Et bah, il va falloir juste sauver soi-même, ou sauver quelques petites choses, ou sauver les souvenirs de cet univers-là, la mémoire des lieux et tout ça. Et donc, ça a beaucoup influencé Miyazaki, justement, dans son enfance. Et quand il a commencé à découvrir les jeux vidéo, il l'a découvert notamment via un jeu qui s'appelle Ico, qui pour le coup peut paraître très éloigné justement des jeux qu'il a fait ensuite, mais qui en fait est très proche dans sa structure narrative notamment. C'est-à-dire que Ico, c'était un jeu où on jouait un petit garçon, muet il me semble, oui. Ou en tout cas qui parlait un langage un petit peu particulier, qui accompagnait une petite fille en la tenant par la main dans une espèce de citadelle où il n'y avait plus rien, ou presque. Et donc le jeu était très contemplatif, la menace venait de plein d'autres choses, mais il y avait vraiment ce côté, on est dans un univers où tout est déjà fini en fait, on est après la fin, tout s'est mal passé, et on arrive là et on essaie de sauver, alors en l'occurrence cette gamine qu'on emmène avec soi, et je pense que ça a eu beaucoup d'influence aussi sur lui dans sa manière d'appréhender le jeu vidéo. C'est qu'il avait envie, je pense, de présenter ce genre d'univers-là, les univers qu'il avait lus, les univers qu'il avait vus en jeu. Et c'est aussi quelqu'un, ce qui est assez intéressant, c'est que quand il lisait de la littérature anglaise ou américaine, il maîtrisait pas très bien la langue, et donc du coup, il était obligé un petit peu de combler les trous dans son esprit. Il lisait beaucoup de livres qui avaient des illustrations, donc en gros, quand il y avait un mot, une phrase qu'il avait du mal à comprendre, il se disait, vu le dessin, ça doit être à peu près ça. Et c'est pareil, ça a influencé la manière dont il a raconté ses jeux, c'est-à-dire que dans les Souls, ou dans Bloodborne, ou dans Sekiro même, on a très peu d'éléments sur l'intrigue générale, on en sait très peu sur ce qui s'est passé, on en sait très peu sur ce qui se passe. Tout passe par des détails, des noms d'objets, des endroits, un personnage, un mob par exemple, qui va être à un endroit très spécifique dans une pièce, et ça sera un indice pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a plein de choses comme ça, c'est quelqu'un qui a vraiment une narration très déconstruite dans laquelle le joueur doit remplir les trous. Alors mourir dans les jeux From Software, c'est un passage obligé et ça fait partie du voyage, hein, faut l'accepter. Hein, comme disait l'autre, Live and Let Die. Eh ben tiens, si on écoutait les Guns N' Roses avec Live and Let Die. You were young and your heart wasn't open but you used to say live and let live. But if this ever changing world we'll be right back. C'était Live and Let Die des Guns N' Roses dans Blockbuster sur France Inter. J'en profite pour vous dire que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour, c'est-à-dire les jeux Dark Souls and Company, ou en parler sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. And the Game of the Year award goes to Sekiro. Tonight, Sekiro: Shadows Die Twice also wins Best Action Adventure Game. ありがとうございます。すごく驚いてますし、感激してます。 Je suis très touché. Sekiro. Sekiro contenait pas mal de difficultés et d'éléments qui ont fait que nous n'étions pas sûrs de sa réception. Mais nous avons été surpris et enthousiasmés par l'accueil qu'il a reçu. Donc je voudrais partager la joie de recevoir ce prix avec les équipes de From Software ainsi qu'avec les équipes d'Activision pour leur soutien tout au long du projet. Enfin, j'aimerais remercier les joueurs sans qui rien n'aurait été possible. Nous allons continuer de faire les meilleurs jeux possibles. Merci. On vient d'entendre Hidetaka Miyazaki recevant le prix du meilleur jeu en 2019 pour Sekiro Shadows Die Twice. D'ailleurs, on a pu entendre Vin Diesel au début, voilà, l'acteur de Fast and Furious qui lançait comme ça cette remise de prix. Alors, dites, j'aimerais me tourner vers vous pour qu'on parle des mécaniques des jeux From Software. Parce qu'en fait, quand on se lance dans un jeu From Software, on part avec un personnage qui initialement fait assez peu de choses. Oui, ben on est vraiment pas grand chose au début. On n'a pas beaucoup de vie puisque nos mécaniques sont représentées par une barre de vie qui va représenter les dégâts qu'on peut encaisser et une barre d'endurance, on va dire, c'est-à-dire les actions qu'on va pouvoir faire, courir, faire une roulade ou tout simplement taper avec notre arme. Et tout ça, on n'en a pas beaucoup au début. On n'a pas d'armure, on est souvent dans le début de Dark Souls 1, on est dans une prison en fait, et on s'échappe de cette prison. Et le but va être vraiment de traverser tous ces environnements en combattant les ennemis, et de ces combats, on va générer de l'expérience qui va nous permettre d'augmenter cette vie, d'augmenter cette endurance, d'augmenter nos caractéristiques, parce que on part quand même d'un jeu de rôle, en fait, aussi, dans les Souls, c'est inspiré de ça. Donc on va pouvoir augmenter différentes caractéristiques en fonction d'un build qu'on veut construire, c'est-à-dire que chaque joueur, chaque joueuse va pouvoir se faire son propre personnage et l'adapter à sa façon de jouer. Pour les personnes qui ont envie d'être très bourrin et de faire beaucoup de dégâts avec une arme, ils vont augmenter la force. Pour les personnes qui ont besoin de plus d'agilité, de plus un petit peu taper à certains endroits l'ennemi, mais pouvoir s'esquiver, vont augmenter l'agilité. Pour ceux qui veulent de la magie, il y a de la magie. Enfin voilà, ça laisse une grosse liberté, surtout dans les Souls, pour avoir sa propre expérience. Donc voilà, le but va être de traverser un jeu, de tuer des ennemis et surtout de rencontrer des boss et de tuer ces boss pour aller plus loin dans le jeu. Et alors il y a aussi cette césure qui peut se faire entre les joueurs qui vont jouer avec des personnages ayant épée et bouclier et ceux qui sont arrivés à un tel niveau de maîtrise qu'ils ont une arme dans chaque main, ce qui veut quand même dire que ils sont très rapides et qu'ils n'ont même pas besoin de parer. Et en fait, je lisais en préparant cette émission que Hidetaka Miyazaki avait opté pour ça, afin que les gens qui voyaient un personnage avec deux épées en main se disent « Waouh, Lui, il est vraiment à un niveau supérieur. Et alors justement, dans ces constructions d'avatars, c'est assez rare dans le paysage vidéoludique. Ce sont des personnages qui... alors si, évidemment, vous allez me parler de Link, mais c'est des personnages qui ne parlent pas, qui n'ont pas de voix, en fait. On vit vraiment toute cette aventure en étant un spectateur détaché, Super Bull. Il y a cette idée de vraiment d'avoir un personnage un peu neutre, lisse. Oui. C'est vrai, c'est lisse, on est là avec notre armure, notre épée, notre bouclier, on avance et en fait, je peux même pas dire qu'on découvre notre personnage en jouant, parce qu'en fait, on découvre plus un univers, une ambiance et aussi on découvre les personnages qui sont dans le jeu, donc les PNJ, les personnages non joueurs. Et non jouable. Et donc, d'ailleurs, dans Dark Souls, le travail sur les voix est excellent. On est vraiment à l'écoute de ces personnages et parfois même nous influence parce qu'on peut avoir envie de les tuer parce qu'il est possible de tuer ces personnages, ce qui arrive de temps en temps, selon nos envies. Il y a Edith qui va me la tête. Non, mais ça ne faut pas faire. Parce que je suis spécialiste, apparemment. Elle tue beaucoup de personnages. Mais parce que parfois, des les personnes. Sans doute. Mais parfois, il le mérite, en fait. Ok, je retiens. Le jeu nous pousse un peu à... Voilà, à aussi... Il faut dire qu'ils sont très moqueurs. Ils sont moqueurs, oui. Ils sont très, très moqueurs. Très moqueurs. Ces PNJ, ces personnages non jouables, ont tendance... Bah, comme eux, ils ont une connaissance plus importante de l'univers. Oui. Ils ont tendance à nous regarder vraiment, mais comme un débutant qui n'y connaît rien à rien. Et donc, des fois, ils rajoutent à la frustration... Oui. C'est le principe des jeux Die and Retry, c'est-à-dire on meurt et on recommence, où on se dit mais vraiment t'es pas bien doué. Oui, y a cette envie aussi d'aiguillonner un petit peu. Et puis alors on peut choisir aussi son genre, homme ou femme, Kali, dans la manière de construire ses personnages. Ouais, c'est ça, c'est important aussi. Le choix du personnage qui permet de s'identifier aussi à lui, même si effectivement il n'y a pas de voix, donc on sera juste spectateur en fait de toute cette histoire qu'on va vivre. Et ce qui permet de vraiment d'analyser l'ensemble de l'univers qu'on va découvrir. Et c'est vraiment ce qui rend encore plus en fait, le jeu incroyable, vu qu'on découvre quelque chose de... une espèce de peinture, en fait, qui va se créer devant nous, en fait. Oui, c'est-à-dire c'est, que là c'est où magique, en fait. Énormément de jeux font le choix de cinématiques très chiadées, où les personnages expliquent absolument tout de l'univers, là c'est des jeux qui se découvrent au fur et à mesure, par le biais d'une conversation avec un personnage non jouable, par le biais d'un texte, d'un édifice en ruine qu'on va voir au loin et qu'on va être amené à visiter, si évidemment on est assez bon pour arriver jusque là, hein, parce qu'entre les deux il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a cette idée d'être face à des environnements qui finalement dépasse ce que le joueur va en percevoir. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de voir que ceux qui ont développé une obsession assez importante pour l'univers de Dark Souls sont capables de resituer mais des pages et des pages de genèse de l'univers qu'on ne perçoit absolument pas lors de sa première partie. Enfin, moi, j'ai découvert des trucs lisant les livres. Je me dis, mais en fait, quand est-ce qu'il a vu ça? C'est des jeux où l'histoire a presque plus été écrite par les gens qui y ont joué que par les développeurs eux-mêmes. C'est-à-dire que Miyazaki lui-même, en fait, est très intéressé par tout ça. Il est passionné, justement, par le fait d'aller lire tout ce que les joueurs ont appris, ont développé. Parce que, comme il aime beaucoup les théories. Hein. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, lui, il a posé des points. Et après, il laisse les gens faire des lignes entre et voir ce que ça peut faire et voir si ça fait un dessin, un truc comme ça. Et les gens, et c'est vrai que c'est assez hallucinant de voir les pages et les pages que des joueurs ont réussi à travers des dizaines et des dizaines, enfin des centaines, même des milliers de petits indices piochés dans les jeux, ont réussi à reconstituer quasiment l'histoire complète, mais pas seulement de ce qui se passe dans les jeux, mais de ce qui s'est passé les 300 ans précédents, quoi. C'est hallucinant. Il y a une sorte d'archéologie, en fait, qui s'est faite à partir de ce qu'on trouvait dans les Souls, donc à partir de ces vestiges. Donc, remontons au premier, à Demon's Souls, et là, je me tourne vers Arnaud. Un devoir extrêmement ardu. De quoi ça parle, Demon's Souls? Demon's Souls, c'est une contrée, en fait, qui est... c'est Boletaria, ça s'appelle cette contrée, en fait, dont, grosso modo, le roi a été corrompu par un démon. Et, en fait, il y a une sorte de brouillard qui a envahi cette contrée et qui fait que les démons, en fait, l'ont envahi et se nourrissent des âmes des personnes qui y vivaient. Et sachant en fait qu'il y a un appel à l'aide qui a été envoyé, donc de multiples personnages sont venus des contrées en dehors de ce royaume pour essayer de sauver le royaume. Il y a quand même cette narration, on te dit qu'il y a quand même une tentative de sauver quelque chose. Et le personnage, en fait, qu'on va incarner, en fait, va explorer à travers des pierres d'Archimonde, ce que ça s'appelle, c'est grosso modo des pierres de téléportation pour chaque niveau, va aller explorer chacun de ces niveaux pour débusquer, en fait, ce qu'on appelle les Archdemons. Alors, je joue jamais en VF, donc j'ai jamais les termes français, mais grosso modo les Archidémons. Les Archidémons, voilà, très bien. Et en fait, voilà, donc le but, ça va être de les oxyre pour aller taper l'énorme démon qui se cache derrière tout ça. Mais comme dans tous les Souls et les Soulsborne, en fait, il y a souvent un twist vers la fin du jeu. C'est-à-dire qu'on te propose pas, en général, on te propose quand même soit de sauver le monde, soit de le mener vraiment à sa déchéance totale, sachant que le postulat de départ n'était pas déjà très joyeux. Et ça, on le retrouve depuis le premier Demon's Souls, en fait. Et c'est un peu devenu, pas un gimmick non plus, mais une marque de fabrique. D'accord. Sur le fait qu'on te laisse vraiment avoir le choix, et c'est quelque chose que déjà qui était évoqué avant, sur le fait qu'on peut aussi les PNJ, mais que ça aura des répercussions, que le fait de laisser certains en vie et d'autres non peut avoir aussi des conséquences sur l'accès à des zones, à des items, ou même à juste il y a des PNJ qui vont aller en tuer d'autres ou qui vont te demander d'en tuer d'autres. Donc il y a vraiment cette forme de liberté accrue qui se retrouvera donc jusqu'à la toute fin, où on va te dire bon bah, est-ce que tu veux sauver Boletaria, ou est-ce que tu veux devenir toi-même le successeur du démon. On continue de parler de l'univers de Dark Souls, mais juste après avoir écouté La Femme sur France Inter. Le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de pour y planter mes dents. Une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. C'était Le sang de mon prochain, un titre interprété par La Femme, un album France Inter. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Nous sommes toujours avec Superbulle, Kali, Ditz, Arnaud Tomassini et mon comparse Olivier Bénis pour parler du jeu extrêmement difficile Dark Souls, difficile mais tellement enchanteur. Alors, évidemment, des jeux extrêmement difficiles où on est obligé d'échouer pour apprendre, vous vous doutez bien que c'est pas forcément l'idée que se font les gens du jeu vidéo, hein, et Dark Souls et autres Sekiro, eh bien, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Je ne sais pas comment on peut s'amuser en jouant à Dark Souls. Le système de jeu est pénible et obscur, l'histoire se la joue dark, énigmatique, mais on nous livre même pas le minimum syndical pour nous accrocher une seconde. Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 et 3, Bloodborne, je m'y ennuie à mourir, la manette me tombe littéralement des mains après 2 ou 3 boss. Tuer un dragon dans Demon's Souls, c'est difficile, c'est normal. Savoir à qui parler pour débloquer un mécanisme essentiel de progression dans un jeu qui fait tout pour te ralentir, ce n'est vraiment pas nécessaire que ce soit obtus. Le monde est un univers fantasy grisâtre le plus générique qui soit. La caméra part constamment dans les choux. Les sons sont horribles et le jeu se permet des saccades assez régulières qui font, je le dis, mal aux yeux. Je ne vois pas le petit début de nécessité à continuer à effectuer des roulades au sol et mourir une énième fois sous les coups de boutoir d'un ennemi surdimensionné. Rokirama. Quand on doit tourner en rond, se tanner, regarder un walkthrough pour comprendre une directive qui semblait pourtant simple, peut-on parler d'erreur de design, de jeu qui a vieilli ou ça fait partie de l'expérience ? Jeux vidéo, RDS. Ce qui me dérange, c'est que la difficulté ne vient pas d'un level design précis, d'un système de jeu pointu ou d'une courbe de progression maîtrisée et impitoyable. La difficulté vient du fait que le gameplay est mauvais. Chaque mort vous fait revenir 2 km en arrière. Rien n'est expliqué et qu'on nous lâche au milieu de tout ça en slope. Blog d'oursinculte.fr. Un mauvais moment à penser. Alors j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont écrit, je cite, « Je hais Dark Souls de toute mon âme ». C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors il y a des gens, pour eux, c'est les jeux Dark Souls, c'est effectivement une religion, mais il y en a d'autres, ça n'est pas possible. Est-ce qu'il y a un juste milieu à avoir sur ces jeux-là ? Parce que finalement, les jeux From Software ne font absolument rien comme les autres. C'est vrai que quelquefois, on est un petit peu largué quand après, on commence. Après, détester un jeu de toute son âme, ça reste un jeu, donc faut pas se mettre dans des états pareils. C'est juste qu'il y a des jeux qui sont plus faits pour certaines personnes que pour d'autres. Et faut être patient, effectivement. Mais le truc, c'est que par rapport à ce qui a été dit sur le fait que le gameplay serait mauvais ou qu'on nous laisse pas, ce qu'il y a un autre aspect qui est vachement important avec ces jeux, c'est la communauté qui est autour. Oui, et si tu coinces, ouais, bah, désolé de te... Non, mais c'est bien. Ça peut venir maintenant. De te casser le déroulé. Mais, grosso modo, si t'es coincé un moment, il y aura toujours des gens pour t'aider. Il y a à la fois un système de multijoueurs qui est là et qui allège considérablement la difficulté du jeu. Si t'arrives pas à avoir, on va dire, les skills, les compétences pour défaire un boss tout seul, mais même après sur les communautés, sur les wikis qui sont développés, sur les youtubeurs ou les streamers qui développent du contenu vidéo là-dessus, il y a énormément de façons de s'en sortir. En fait, faut juste aller demander de l'aide, un peu comme dans la vraie vie quand t'arrives pas à faire quelque chose. Et justement, voilà, cette idée de coopération, c'est assez... alors, ça peut sembler assez courant dans le monde du jeu vidéo, mais là, on parle d'un jeu solo, c'est-à-dire qu'on traverse ces grands corridors, ces châteaux, ces étendues marécageuses, seul, mais où la présence des autres se fait ressentir soit par des messages laissés au sol par ces joueurs qui vous disent « Attention, derrière ce buisson, il y a quelque chose ». Alors des fois, il y a certains plaisantins qui disent « Va au bout de ce couloir, il y a un trésor ». Et en fait, c'était pas un trésor, c'était un fantassin qui met fin à vos jours. Mais il y a aussi, quand un joueur sur un autre serveur meurt, on peut voir avec une tache de sang comment il est mort par une sorte de mémoire rémanente. C'est-à-dire que si tu le vois arriver au fond du couloir et que tu le vois en train de mourir en se prenant un truc sur la droite, tu te doutes qu'il y aura quelque chose au fond sur la droite aussi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un système de coopération qui n'avait jamais été fait jusqu'alors. Et est-ce que vous, dans vos parties respectives, c'est quelque chose auquel vous avez été sensible, cette coopération, mais dans le cadre d'un jeu solo ? Moi, c'est pas vraiment ce que j'aime, en fait. Et je trouve que le système d'aide a vite tourné au trolling, en fait. Et donc, c'est-à-dire se moquer des autres joueurs. Une des blagues les plus récurrentes, c'est face à un gouffre, saute. Le message saute. Ah oui. Et donc, des fois, tu te fais avoir parce que tu te dis, mais peut-être qu'il y a un trésor, en fait. La curiosité te pousse à sauter, mais bon. Les messages sont plus tournés comme ça, donc moi j'ai arrêté de les lire, ou j'ai même carrément enlevé le mode online, parce que voilà. Je pense que la coopération, elle peut être vraiment très intéressante avec des amis, ou vraiment si on est bloqué sur un boss, parce que c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas, qui va venir Pour le coup, il y a ceux qui trollent et il y a ceux qui ont vraiment le cœur sur la main et qui prennent à cœur de venir aider les autres joueurs. Maintenant, il ne faut pas que quelqu'un reste bloqué sur ce boss, il ne faut pas que l'expérience soit gâchée par ça. Donc je vais venir aider, ils prennent de leur temps. Mais moi, j'aime bien faire toute seule. Super Bulle. Bah pareil, j'ai plutôt une tendance à aimer faire toute seule. Il y a une sensation d'accomplissement en le faisant toute seule. En fait, j'ai été très très déçue par les messages parce que en fait, ils sont lumineux. Donc vous les voyez par exemple au loin, devant un arbre, devant un mur, et vous dites ah, il y a un message. Donc il y a quelque chose. Alors soit c'est un troll, soit c'est véridique. Il y a quelque chose. Mais dans les deux cas, ça va être décevant. C'est décevant dans le sens où, en fait, on nous annonce qu'il y a potentiellement quelque chose. Du coup, la découverte est gâchée. Mais ça, parce que, après, je pense que ça dépend de chacun et de chacune. Mais en tout cas, personnellement, je prends le plaisir dans la découverte et me l'annoncer à l'avance, ça me dérange. Du coup, je l'ai désactivé. C'est vrai que dans Dark Souls, il y a des murs derrière lesquels on illusoire. Peut passer. Il y a des murs illusoires. Et bon, bah, c'est très, très dur de les trouver. Mais comme il y a les messages devant, ben oui, s'il y a un message là, c'est que c'est un mur illusoire. Donc je vais passer derrière. Donc ça passe. C'est ça. Mais après moi personnellement également, je joue solo principalement. En coupant le online, donc pas d'indication. Exactement. Ça évite de se faire envahir également. Oui. Et la seule fois, je pense, où j'ai invité une personne à m'aider, c'était sur Dark Souls 2, sur une zone que je n'arrivais pas à passer seule. C'était la seule faiblesse, on va dire, qui m'est arrivée. Mais c'est vraiment, sur ce jeu-là, vous tenez à garder l'expérience la plus pure face à la difficulté du jeu. Je veux absolument y arriver par moi-même pour me prouver que j'en suis capable, en fait. Moi, Arnaud Je ne suis pas du tout d'accord avec cette dame. Et parce que justement, j'ai pas forcément réussi à accomplir tout. Il y a encore des boss aujourd'hui que je n'arrive pas à faire seul. Mais justement, je trouve que c'est vachement bien de pouvoir proposer de l'aide ou de se faire aider. Et même sur des trucs très très bêtes, il y avait, enfin, je me rappelle donc il y a 10 ans sur le Demon's Souls, il me manquait un anneau à avoir pour réussir à avoir juste une histoire de trophée qu'on peut collectionner. Et en fait, simplement en cherchant sur un forum de l'époque, il y avait des joueurs qui proposaient en fait de se connecter online pour faire juste laisser tomber les objets pour t'aider aussi juste à récupérer les items qui te manquaient. Et ce genre d'esprit d'entraide, en fait, tu retrouves pas forcément dans tous les jeux. Et j'apprécie vraiment ça. Après, c'est vrai que quand tu joues online, t'as ce truc des invasions, puisque des joueurs peuvent t'aider. Il y en a aussi qui vont pouvoir t'envahir pour te tuer. Et généralement, c'est souvent des gens qui sont très forts. Et du coup, ça, c'est vrai que quand t'es coincé dans un escalier parce qu'il y a deux mobs qui sont en train de t'agresser et que tu commences à paniquer parce que t'as plus de quoi te soigner et qu'en plus tu vois le message machin vous a envahi et qu'il arrive de l'autre côté. Ça fait du stress et ça peut gâcher l'expérience de jeu pour certains. Oui, le stress marche main dans la main avec ce type de jeu en général. Oui, mais tu peux juste te prendre le mauvais coup et te dire juste qu'il y a juste un ennemi, mais tu sais où est le prochain feu de camp, enfin le prochain point de sauvegarde ou de repos et te dire mince, enfin tu peux paniquer. Je n'y arriverai jamais. C'est que moi, il y a eu pas mal de moments où apparemment j'étais juste vraiment, je perds tous mes moyens et je fais là, j'y arrive pas et voilà. Et après, tu dois tout recommencer. Olivier, justement, cette idée d'avoir un serveur dédié à des aides, à des messages, à une sorte de communauté qui viendrait s'agréger à un jeu solo, c'est quelque chose pour lequel Hidetaka Miyazaki a dû batailler avec Sony pour Demon's Souls, pour le premier sur PlayStation 3. J'ai lu que le PDG lui-même de Sony trouvait que c'était une très très mauvaise idée. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils allaient faire travailler un serveur alors que le jeu n'était pas multijoueur. Et d'ailleurs, quand il a testé le jeu, il a dit ça ne marchera pas. C'est-à-dire que le directeur de Sony a dit voilà, Demon's Souls, ça va être un échec. Et c'est ce qui explique que ce sont d'autres compagnies, notamment Atlus, qui a distribué le jeu aux États-Unis et Bandai qui a distribué le jeu en Europe. Mais initialement, Sony n'était pas du tout convaincu que ce type de jeu allait prendre et devenir ce phénomène qu'il est aujourd'hui. Ça peut se comprendre pour le côté solo multijoueur, un petit peu bizarre. Ça fait très expérimental en fait quand on en parle comme ça. J'imagine que quand il l'a présenté, les gens devaient un peu se dire oui, c'est marrant, mais c'est un gadget, c'est un petit truc en plus et tout. Et mine de rien, un serveur, ça coûte de l'argent en fait. Et ça coûte pas de l'argent ponctuellement, ça coûte de l'argent, il faut l'entretenir, il faut que sur plusieurs années ça fonctionne encore. Les serveurs de Dark Souls, ils marchent encore, enfin ceux de Dark Souls Remastered. Et voilà, moi je trouve, pour le coup, je suis pas très jeu multijoueur en général, mais c'est vrai que sur Dark Souls et sur Bloodborne notamment, j'ai toujours activé le online parce que je trouve ça intéressant dans la démarche en fait des créateurs. C'est vrai que ça peut paraître être un gadget, mais en fait, je trouve que ça demande une certaine philosophie du jeu vidéo en fait qui est intéressante. J'avais beaucoup aimé ça dans Journey aussi, qui est un autre jeu pareil très contemplatif où en gros vous parcourez des paysages un petit peu désertiques. Et si vous voulez, vous pouvez, enfin c'est pas si vous voulez d'ailleurs, c'est préactivé, mais il y a un autre personnage quelque part dans le monde, vous ne savez pas qui c'est, vous ne pouvez pas communiquer avec lui ni rien, mais qui est là et qui peut aussi faire des choses, et qui peut vous aider ou qui peut rester là à rien faire ou des choses comme ça. Et il y a vraiment ce côté, je trouve, de un truc social. Mais sans connaître les gens, et c'est intéressant, quoi. C'est très exaltant, en fait, je trouve, comme expérience. Elle est dark, elle aussi. Voici Lana Del Rey avec Dark, but just a game. It's dark, but just a game. That's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragic. Sweet, what would ever pay me? And that's the price of fame. A deal as old as time you'd be. Sweet, what would ever pay me? Lost their minds, so I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. It's dark, but just a game. It's dark, but just a game. It's dark, but just a game. So play it like a symphony. You know our love's the same. They'll both go down in infamy. Love's a pretty little thing. C'était Lana Del Rey dans Blockbuster sur France Inter. Each time a demon claims a human soul, chaque fois qu'un démon s'appropriait l'âme d'un humain, l'âme du démon se renforçait en consommant l'énergie vitale. Et le pouvoir de l'âme d'un démon arrivé à maturité dépasse l'imagination humaine. Très vite, la légende s'est répandue. De puissants guerriers assoiffés de pouvoir ont franchi la fissure pour explorer la terre maudite. Alors pour revenir sur cette idée de coopération, j'ai lu toujours dans le même livre qui m'a servi à préparer cette émission et qui paraît chez Third Edition sur Dark Souls et les autres jeux qui ont suivi, que Hidetaka Miyazaki avait eu cette idée parce qu'il avait été coincé en voiture dans des montagnes enneigées un certain temps, et qu'en fait derrière lui il y avait eu un énorme embouteillage, et qu'au bout d'un moment, les voitures s'étaient mises à faire du pouce-pouce les unes derrière les autres pour que lui puisse avancer. Et au final, il avait été aidé par toute une communauté de chauffeurs qu'il n'avait jamais pu remercier individuellement, parce que lui, il devait rester dans sa voiture pour qu'elle reparte. Et il avait été touché par cette idée d'entraide de groupe avec des anonymes. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça, c'est révélateur de la manière dont les concepteurs de jeux vidéo japonais fonctionnent, parce que quand on voit les grandes mythologies autour de Pokémon, autour d'Animal Crossing, on voit que c'est souvent le quotidien très basique de japonais dans leur vie de tous les jours, genre j'aimais bien attraper des insectes à la campagne, là il y a des automobilistes qui m'ont aidé, hop j'ai eu l'idée de faire alors voilà, eux quand ils ont des idées ils font Dark Souls, ils font Animal Crossing. c'est assez particulier comme manière de créer. Mais je pense que c'est assez typique de tous les créateurs en fait, c'est que souvent quand on crée quelque chose, que ce soit un livre, un jeu vidéo ou un film, on est influencé, qu'on s'en rende compte ou pas, par des expériences personnelles. Et c'est vrai que très souvent c'est des petites choses, c'est des moments vécus ou des choses comme ça qui font qu'on invente un système et qu'on se dit tiens, ça pourrait être marrant d'imaginer ça dans un jeu vidéo ou de voir comment les gens réagiraient. Sur le côté communautaire, en fait, dans Dark Souls, on parlait du côté positif et négatif, quoi, le fait que les gens peuvent vous troller, vous donner de mauvaises indications ou vous envahir aussi bien que vous aider. C'est très social en fait, enfin c'est oui. Très la vie quoi. C'est juste ça. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est ce qu'on voit dans la vie également, c'est que les gens qu'on va croiser, il y a des gens à qui on va faire confiance et qui vont vous aider ou pas, et des gens qui vont vous planter un poignard dans le dos quoi. Mais bon. Et donc dans un sens, je pense que c'est aussi ça qui fait que ça a pas trop mal, enfin que ça a bien marché. C'est lié à plein d'autres qualités des jeux évidemment, mais le côté social a peut-être été un petit truc en plus. C'est que ça a rappelé aux gens des expériences, et puis il y a ce petit côté incertain quoi, c'est que on ouvre les portes de sa partie à des gens, on sait que on ouvre la porte un peu à n'importe qui et que n'importe qui peut rentrer, donc on peut aussi bien avoir du très beau et des très bons moments, genre quelqu'un qu'on connaît pas et qui vient nous aider à battre un boss qu'on n'arrivait pas à battre. Et il peut y avoir un sentiment d'accomplissement dans ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'accomplissement personnel qui est très fort dans Dark Souls, mais il y a aussi ou de frustration, parce que si jamais c'est lui qui donne aussi le coup décisif, peut y avoir ça. Oui, mais peut y avoir aussi le côté on l'a vaincu collectivement. Il y a un truc qui se crée même en connaissant pas la personne. Il y a un truc qui est assez fort pour ça. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Super Bull, Kali, dites merci beaucoup. Merci. Est-ce que, du coup, maintenant que vous vous êtes toutes rencontrées en vrai, est-ce qu'on va avoir droit à des raids en trio, etc. La difficulté, c'est la géographie, parce qu'on n'est pas du tout, on n'habite pas dans les mêmes régions, mais pourquoi pas, hein. Mais oui, avec plaisir. De toute façon, bon, le milieu du vous m'envoyez un petit message à ce moment-là. J'aurais l'impression d'être un parrain. Arnaud et Olivier, bah comme toujours, ce fut un plaisir. Hein. Voilà. Pour une fois, Arnaud, on n'a pas parlé comic books. C'est vrai. Hein, ça arrive. Voilà. Et pourtant, on aurait pu parler des comics Bloodborne ou Dark Souls d'ailleurs. Mais c'est vrai. Tu ne l'as pas mis dans ton déroulé. C'est vrai. Non. On est sur le jeu vidéo là. Le déroulé fait foi. On ne sort pas du tout. Voilà. Faut pas sortir du déroulé. C'est important. Dans le prochain podcast de Blockbuster, on va parler d'un auteur aussi qui lui aussi a marqué son époque et marque encore, Isaac Asimov. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 pour évoquer vos souvenirs sur Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ou la patience que vous avez devant Elden Ring, ou même nous parler d'Isaac Asimov. C'est votre répondeur. Vous pouvez également me parler sur la page Facebook de l'émission ou sur le Twitter avec le hashtag blockbuster.fi. Et je dis merci également à la réalisatrice de cette émission, Céline Hila, sans qui rien n'était possible, mais également Jeanne Paravert, et à la technique aujourd'hui, Bruno Mourlan. Merci. We shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. France Inter.